César poursuivit jusqu'à Alexandrie en Égypte son rival Pompée en 48 avant notre ère. Le tyran Pisistrate, au VIe siècle avant notre ère, fut le premier, dit-on, qui fonda à Athènes une bibliothèque publique, après avoir réuni un assez grand nombre d'ouvrages littéraires et scientifiques. Dans la suite, les Athéniens mirent tous leurs soins à augmenter cette bibliothèque. Mais Xerxès, après s'être emparé d'Athènes et avoir réduit en cendres toute la ville, à l'exception de la citadelle, fit enlever tous les livres qui furent par son ordre transportés en Perse. Longtemps après, les mêmes livres furent rapportés à Athènes par les soins du roi Séleucus, surnommé Nicanor. Dans la suite, les Ptolémées fondèrent en Égypte une riche bibliothèque de 700 000 ouvrages environ rassemblés ou écrits par leurs ordres. Mais, dès la première guerre d'Alexandrie, pendant qu'on livrait la ville au pillage, l'imprudence seule de quelques soldats auxiliaires des armées de Jules César causa la perte de ces richesses littéraires qui devinrent la proie des flammes. En fait, une partie seulement des volumes fut brûlée.